Le devisement du monde de Marco Polo. Les notes de bas de page. Livre 1er. Chapitre 1. Comment Nicolas et Marco Polo s'en allèrent en Orient. Première note. Pour l'extrait suivant. L'an de Jésus-Christ 1235 sous l'empire du prince Baudouin. La note. Le prince Baudouin, empereur de Constantinople de 1228 à 1261. Deuxième note. Pour l'extrait suivant, ils arrivèrent au port d'une ville d'Arménie appelée Soldadi. La note. Soldadi, aujourd'hui Soudak, au sud-est de la Crimée. Troisième note. Pour l'extrait suivant, ils arrivèrent d'abord à une certaine ville nommée Gutakam. La note, Gutakam, aujourd'hui au Kak, sur le Volga. Quatrième note, pour l'extrait suivant. Ils arrivèrent enfin à Bukhara. La note, pour arriver là, ils quittent les rives du Volga, passent au-dessus de la mer Caspienne et contournent la mer d'Aral. Livre 1er, chapitre 2. Comment ils allèrent à la cour du grand roi des Tartares. Première note. Pour l'extrait suivant. Ils arrivèrent à la cour de Kubilai. La note. Kubilai Khan, ou Chitsu, empereur mongol, petit-fils du fameux Genghis Khan, fondateur de la 20e dynastie. Il réunit la Chine à son empire, qui comprit ainsi la Tartarie, le Bégou, le Tibet, le Tonkin, etc. 1214 à 1294. Deuxième note. Pour l'extrait suivant. Autrement dit, le grand Khan, qui signifie roi des rois. La note. D'après Rubrikis, chapitre 19, la désignation Khan aurait la signification de devin. Livre 1er, chapitre 4. Ils sont envoyés au pontife de Rome par le grand Khan. Première note, pour l'extrait suivant. En sorte qu'ils restèrent plus de 3 ans avant de pouvoir arriver au port d'une ville des Arméniens appelée Laya. La note, Laya, ville de la Turquie d'Asie, dans le golfe d'Alexandrette, au nord d'Alep. On croit que c'est l'ancien Égée. Deuxième note, pour l'extrait suivant. De Laya, ils se rendirent à Acre. La note. Saint-Jean d'Acre, l'ancienne Ptolémaïs, ville de Syrie. Livre 1er, chapitre 5. Ils attendent l'élection d'un nouveau pontife. Pour l'extrait suivant. Ils apprirent que le pape Clément IV était mort. La note, en 1268. Livre 1er, chapitre 6. Ils retournent vers le roi des Tartares. Pour l'extrait suivant. Mais ils n'étaient que fort peu éloignés d'Acre quand le légat reçut des lettres des cardinaux par lesquelles on lui apprenait qu'il avait été élevé au souverain pontificat. La note. Théobaldo Visconti, élu pape sous le nom de Grégoire X en 1271. Deuxième note, pour l'extrait suivant. Et parce qu'en ce temps-là, le sultan de Babylone. La note, Babylone pour Égypte. Troisième note, pour l'extrait suivant. Ils arrivèrent avec bien de la peine à une ville de la dépendance de l'empereur des Tartares nommée Klimenfu. La note. Ou Changfu. Cette ville, que le grand Khan avait fait construire, était située en Mongolie, au nord de la Grande Muraille, à 700 lis ou 70 lieues de Pékin. Le souverain en faisait sa résidence d'été. Elle est aujourd'hui ruinée. P. Livre 1er, chapitre 13. de l'Arménie majeure. Première note pour l'extrait suivant. On y fait d'excellents boukiramous. La note. Boukiramous est une étoffe devenue célèbre sous le nom de bougran. Deuxième note pour l'extrait suivant. C'est sur les montagnes de cette province. La note. Sur le mont Arana. Une légende du pays veut même que les débris de l'arche soient encore sous cette montagne. Troisième note pour l'extrait suivant. Du côté du septentrion, on trouve une grande source dont il sort une liqueur semblable à l'huile. La note. L'huile de pétrole que produit en grande abondance la presqu'île de Bakou sur la mer Caspienne. Cette région est encore considérée comme terre sacrée par les derniers adorateurs du feu, ou Parsis, disciples de Zoroastre. Livre 1er, chapitre 14. De la province de Géorgie. Première note, pour l'extrait suivant. Ils disent qu'il y a un grand lac, formé par la chute des eaux des montagnes, qu'ils appellent communément mer de Chélusélam. La note, la mer de Chélusélam est la mer Caspienne qui, mal connue à cette époque, était l'objet de maintes légendes. Livre 1er, chapitre 15, du royaume de Mossoul. Première note, pour l'extrait suivant. Il y a aussi beaucoup de chrétiens divisés en nestoriens et jacobins. La note. Nestorius, syrien qui occupa le siège épiscopal de Constantinople au commencement du 5e siècle, fut le promoteur d'une doctrine portant particulièrement sur le dogme relatif à la nature divine et humaine du Rédempteur. Il enseignait qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes, Dieu et l'homme, que l'homme était né de la Vierge Marie et non de Dieu, d'où il résultait qu'il n'y avait point d'union personnelle entre le Verbe divin et la nature humaine, et que, par conséquent, entre Dieu et l'homme dans le Christ, il n'y avait qu'une union morale, analogue à celle qui existe entre chaque juste et Dieu, mais seulement à un degré plus éminent. Ces propositions, qui de fait constituaient la négation du caractère absolument divin de Jésus-Christ, dogmatiquement reconnu par l'Église romaine, causèrent de grands troubles dans la chrétienté. Plusieurs conciles condamnèrent l'erreur de Nestorius, qui fut déposé de son siège, puis relégué d'abord à Petra, et ensuite dans une oasis de Libye, où il mourut sans avoir abjuré sa doctrine. Mais les idées de Nestorius avaient laissé de nombreux adeptes. Proscrits par les empereurs, les Nestoriens se retirèrent dans l'Empire des Perses, où ils furent bien accueillis et fondèrent à Séleucie d'abord, puis à Mossoul, un patriarcat très florissant. De là, leur doctrine se répandit de plus en plus sur tous les points de l'Orient, ce qui explique que Marco Polo signale, comme nous le verrons, l'existence des chrétiens nestoriens presque jusqu'au cœur de l'Empire mongol. Les Jacobins, ou Jacobites, sont ainsi nommés comme disciples du moine Jacques Zanzal, qui, au milieu du VIe siècle, étant évêque d'Édesse, remit en honneur la doctrine du Duchesse. Celui-ci, contemporain et adverse de Nestorius, professait qu'en Jésus-Christ, la nature divine avait absorbé et détruit la nature humaine. La doctrine des Eutychiens, ou monophysites, fut condamnée par le Concile de Chalcédoine en 451. Livre 1er, chapitre 18. De quelle manière une certaine montagne fut transportée hors de sa place. Première note pour l'extrait suivant. Il y a une montagne dans ce pays-là, non loin de Torisium, qui fut transportée hors de sa place par la puissance de Dieu à l'occasion que je vais dire. La note. N'oublions pas que notre voyageur ne fait ici, comme d'ailleurs il le fera souvent par la suite, que rapporter les on-dit des pays qu'il visite. Livre 1er, chapitre 19, du pays des Perses. Première note, pour l'extrait suivant. Elle, la Perse, a beaucoup perdu de son lustre. La note. Ravagée par les Tartares qui détruisirent la dynastie de Kerem Kal, qui avait succédé aux Seljoucides. P. Livre premier, chapitre 20, de la vie de Jasdi. Première note. Jasdi, sans doute Yezd, entre Shiraz et Ispahan. P. Livre premier, chapitre 22, de la ville de Kamandou et du pays de Réobar. Première note, pour l'extrait suivant. Où il y a une ville appelée Kamandou. La note. Aucun commentateur n'a pu dire de quelle ville l'auteur veut ici parler. Deuxième note, pour le stress suivant. Il y a aussi de forts grands bœufs, qui sont blancs pour la plupart, ayant les cornes courtes et non aiguës, et une bosse sur le dos. La note. C'est le zébu, Bos indicus, des naturalistes. Troisième note, pour le stress suivant. Les moutons de ce pays-là sont aussi grands que des ânes, ayant des queues si longues et si grosses qu'il y en a qui pèsent jusqu'à 30 livres. La note. Ovis laticaudata. La partie caudale de ces animaux devient parfois si volumineuse que pour éviter qu'elle se déchire en traînant sur la terre, on les attelle à des espèces de petits chariots destinés à soutenir cette queue phénoménale. Quatrième note. Pour le stress suivant. Car il règne en ce pays-là de certains voleurs qu'ils appellent Karaon et qui ont un roi. La note. D'après les commentateurs, qui devaient sans doute à leur extrême cruauté les légendes répandues à leur sujet, de nombreuses tribus venues du nord de la Chine et qui, pendant plusieurs siècles, ravagèrent tantôt une région, tantôt l'autre. Livre 1er, chapitre 23, de la ville de Cormos. Première note, pour l'extrait suivant. Il y a une ville nommée Cormos. La note, Hormuz, à l'entrée du golfe Persique. Deuxième note, pour l'extrait suivant. Ils ont des vaisseaux, mais qui ne sont pas trop sûrs, n'étant joints qu'avec des chevilles de bois et de cordes faites d'écorce de certains bois des Indes. Ils ont cela de propre, qu'ils ne pourrissent et ne se gâtent pas dans l'eau. La note. Un passage de Chardin, qui écrivait au XVIIe siècle, confirme et explique ces assertions de Marco Polo. Des bateaux dont ils se servent dans le golfe Persique et qu'ils nomment Chambouk sont hauts, longs, étroits. Ils sont faits de cet arbre qui porte les noix de coco et duquel on dit dans le pays que l'on peut en faire et en charger un navire tout ensemble. Le corps du vaisseau étant fait du corps de l'arbre, les voiles et les cordages avec son écorce, et le fruit de l'arbre fournissant le chargement du vaisseau. Ce qui est remarquable, c'est que les planches des barques sont cousues avec ces sortes de cordes et enduites de chaux à défaut de poids, ce qui fait que ces bâtiments ne résistent guère à la mer. Troisième note, pour l'extrait suivant. Il arrive aussi, assez souvent, qu'il règne un vent fort et brûlant qui vient d'un certain désert sablonneux. La note. Ce vent, qui vient du désert de Biloutchistan, est appelé en persan le vent pestiféré. Le pays, d'ailleurs fort dénudé, qui avoisine cette partie du golfe Persique, est en quelque sorte inhabitable pendant les rigueurs torrides de l'été. Livre 1er, chapitre 26. De la ville de Kobinam. Première note pour l'extrait suivant. La matière la plus grossière de cette terre et qui reste dans le feu est appelée éponge. La note. Ce collyre minéral est très réputé dans le pays sous le nom de tati. La tati, dit M. Potier, est un oxyde de zinc qui se forme dans les fourneaux où l'on traite la calamine. Livre 1er, chapitre 27, du royaume de Trimouchaïm et de l'arbre du soleil appelé par les latins l'arbre sec. Première note pour le stress suivant. Il croit dans la plaine de ce royaume un grand arbre appelé l'arbre du soleil et par les latins l'arbre sec. La note. De grandes discussions se sont engagées à propos de cet arbre qui, pour les uns, serait tout simplement le platane, tandis que d'autres veulent y voir un exemplaire unique d'une essence on ne définit pas clairement. Ceux-là, au lieu d'arbre du soleil, disent arbre seul, sol dans le vieux texte, ou isolé. Livre 1er, chapitre 28, d'un certain fameux tyran et de ses affaires. Première note. Pour l'extrait suivant. Il y a par là un certain canton nommé Moulette, la note, ou Alamont, dans la province actuelle de Guilan, sur le versant méridional des montagnes qui bordent la mer Caspienne. Deuxième note, pour l'extrait suivant. Il faisait donner à quelques-uns un certain breuvage qui les rendait comme enragés et les assoupissait. La note. Ce breuvage enivrant n'était autre que le célèbre hachis ou hachiche, substance tirée des tiges du chanvre mise en fermentation. D'où le nom de « hachichine » donné à ceux qui en faisaient usage et dont nous avons formé notre mot « assassin ». Troisième note. L'histoire du vieux de la montagne que Marco Polo fit connaître un des premiers en Europe est restée fameuse. Elle a donné lieu à un grand nombre de recherches et d'écrits historiques, ainsi qu'à beaucoup de compositions romanesques. En réalité, ce prince redoutable était le chef d'une secte dite des Ismaéliens qu'il avait fondée. Il se faisait passer, dit M. Potier, pour avoir une puissance surnaturelle et être le vicaire de Dieu sur terre. Il mourut 34 ans après son entrée dans le château fort d'Alamont, sans en être sorti une seule fois, passant sa vie à lire et à écrire sur les dogmes de sa secte et à gouverner l'État qu'il avait créé. Livre 1er, chapitre 29. Comment le sudit tyran fut tué. Première note. Pour l'extrait suivant. L'an 1262, à l'eau. La note. À l'eau ou Oulagou, frère utérin de Mangoukan, prédécesseur de Kubilai. Voir Rubriquis, chapitre 44. Livre 1er. Chapitre 32 du royaume de Taïkan. Première note pour l'extrait suivant. Tous les habitants de ce pays sont mahométans. Ils boivent cependant du vin. La note. On sait que Mahomet a interdit l'usage du vin à ses disciples. Livre 1er, chapitre 34 de la province de Balachia. Première note pour l'extrait suivant. Cette province produit des pierres de grand prix qui tiennent leur nom de la province même. La note. Des pierres précieuses dites rubis balais. Deuxième note pour l'extrait suivant. Il y a une autre province qui produit la pierre appelée lazulum. La note. Le lapis lazuli ou pierre d'azur qui, pulvérisée, donne le beau bleu dit d'outre-mer. Livre 1er, chapitre 36, de la province de Chisimour. Première note, pour l'extrait suivant. Le roi ne paye tribut à personne parce que son pays est entouré de déserts de tous côtés, ce qui fait qu'il n'appréhende rien. La note. L'isolement naturel de ce pays très fertile, habité par un peuple très industrieux, ne laissait encore, pour ainsi dire, inconnu de ses voisins au temps de Marco Polo. Il n'en sortait guère, comme on le voit ici, que des échos de légendes terribles. Ce n'est, presque au siècle dernier, qu'on a eu les premières notions exactes sur cette intéressante région. Livre 1er, chapitre 37, de la province Vukam et de ses hautes montagnes. Première note, pour l'extrait suivant. Si de là vous allez du côté de l'Orient, il vous faudra monter pendant 3 jours jusqu'à ce que vous soyez parvenu sur une montagne, la plus haute qui soit dans le monde. La note. Le Bam Dounia, ou cime du monde, dont certains sommets s'élèvent à 5800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Deuxième note. Pour l'extrait suivant. Surtout, On y trouve des béliers sauvages d'une grandeur extraordinaire, ayant de longues cornes dont on fait diverses sortes de vases. La note. Les voyageurs modernes confirment ces assertions qui paraissent extraordinaires. L'animal de qui proviennent ces cornes est appelé kuchar ou mouton sauvage. P. Voir Rubricus, chapitre 7. Troisième note. Pour l'extrait suivant. Si on allume du feu dans ce désert, il n'est ni si vif, ni si efficace. La note. Ces derniers mots témoignant que, dès cette époque, avait été faite une remarque dont la découverte de la pression atmosphérique devait, à plusieurs siècles de là, donner la théorie. On sait que sur les hautes montagnes, où la pression diminue, l'ébullition de l'eau ayant lieu à un degré de calorique bien inférieur, cette eau ne peut opérer la cuisson des légumes, des œufs. Ainsi s'explique ici l'expression « ni si efficace ». Livre 1er, chapitre 43 de la province de Siartiam. Première note pour l'extrait suivant. Et remarquez que toutes les provinces dont nous avons parlé jusqu'ici, à savoir Kassar, Yarsham, Kotam, Peim et Siartiam, jusqu'à la dite ville de Lop, sont mises entre les limites de la Turquie. La note. C'est-à-dire qu'au temps de Marco Polo, la langue et les croyances des Turcs manifestaient leur influence jusque-là. P. Livre 1er, chapitre 44, de la ville de Lop et d'un fort grand désert. Première note pour l'extrait suivant. Lop est une grande ville à l'entrée d'un grand désert. La note. L'étendue immense qui sur nos cartes d'Asie porte le nom du grand désert de Gobi ou Kamo, sable mouvant. Deuxième note pour l'extrait suivant. Le passage de ce désert est fort dangereux. La note. Les phénomènes extraordinaires que rapporte ici Marco Polo, remarque M. Potier, ne sont pas, quelque étrange qu'il puisse paraître, aussi rare et absolument incroyable qu'on pourrait le croire. La part étant faite aux amplifications populaires, on peut admettre de certains effets de mirage ou d'écho qui ont frappé les voyageurs, disposés aux illusions par les fatigues endurées en traversant ce pays. Le savant commentateur cite à l'appui de sa remarque plusieurs passages de récits contemporains où des phénomènes tout naturels ont été observés que de certains esprits eussent assurément interprété comme manifestations surnaturelles. Livre 1er, chapitre 45, de la ville de Sachion et de la coutume qu'on obtient de brûler les corps morts. Première note pour l'extrait suivant. On en vient à la ville de Sachion. La note. Chacheu, dans la province de Tangut, aujourd'hui Tangchu. Livre 1er, chapitre 47, de la province de Chinchinchalas. Première note pour l'extrait suivant. Après la province de Kamul, on trouve celle de Chinchinchalas. La note. Saïchintala, dans la province de Tianchanpilu. P. Deuxième note pour l'extrait suivant. Il y a dans cette province une montagne où l'on trouve des mines d'acier et d'eau d'anique, de même des salamandres. La note. Il s'agit ici de l'amiante ou asbeste qui, chacun le sait, est une matière minérale filamenteuse qui peut se filer et se tisser comme le chanvre, le coton ou la laine. L'amiante, qui résiste au feu, doit à cette particularité le nom que lui donne ici Marco Polo, par analogie avec l'animal légendaire qui, disait-on, vivait dans les flammes. Livre 1er, chapitre 48, de la province de Sochour. Première note pour l'extrait suivant. On trouve dans les montagnes de cette province de la rhubarbe. La note. C'est à la Chine que nous devons cette plante qui, ne jouant guère chez nous qu'un rôle officinal, est fort appréciée comme végétal alimentaire chez nos voisins d'outre-Manche. Livre 1er, chapitre 50, de la ville d'Ézina et d'un autre grand désert. Première note. Ézina et Tinaï, aujourd'hui détruites. P. Livre 1er, chapitre 51. De la ville de Karakorum et de l'origine de la puissance des Tartares. Première note pour l'extrait suivant. On vient à la ville de Karakorum. La note. Karakorum, ancienne capitale du premier empire mongol. Cette ville n'existant plus, et aucun voyageur européen n'ayant recherché les ruines, nos géographes sont fort empêchés de déterminer le point juste qu'elle occupait en Tartarie. On croit seulement savoir qu'elle était bâtie au pied des derniers versants méridionaux des monts Altaï, qui, séparant la Chine de la Sibérie par 102 degrés ou 103 degrés de longitude et 46 degrés ou 48 degrés de latitude, ce qui la placerait à environ 350 lieues plus à l'ouest et de 200 lieues plus au nord que Kambalu, Pékin, où Kubilai Khan tenait sa cour. C'est près de Karakorum que Mangu Khan, prédécesseur de Kubilai, reçut l'envoyé de Saint-Louis Rubriquis, qui a longuement décrit cette cité royale. Voir Rubriquis, chapitre 28 et suivant. Deuxième note pour l'extrait suivant. Mais ils étaient tributaires d'un certain grand roi nommé Uncham, que l'on appelle communément aujourd'hui le grand prêtre Jean. La note. Prêtre Jean, personnage sur le compte duquel au Moyen Âge furent débitées en Occident toutes sortes de fables et qui fut en réalité un chef de la tribu des Kiraïtes de race mongole. Voir le récit de Rubricus, chapitre 19. Livre 1er, chapitre 52. Les Tartares élisent un roi d'entre eux, lequel fait la guerre au roi Uncham. Première note pour l'extrait suivant. C'était un homme sage et prudent nommé Chinchis. La note. C'est le fameux conquérant Chinchis Khan, le Chinchis Khan de nos histoires, chef de la dynastie mongole qui régnait sur la Chine lors du voyage de Marco Polo. D'abord simple chef d'une bande de Mongols tributaires des Tartares, il se signala dès l'âge de 15 ans par un esprit aussi sagace qu'aventureux. Quand il mourut, en 1227, ses armes l'avaient rendu maître absolu de tout le territoire compris entre Pékin et la mer Caspienne. Livre 1er, chapitre 53. Le roi Uncham est vaincu par les Tartares. Première note, pour l'extrait suivant. Il fut enterré sur une montagne nommée Altaï. La note. L'Altaï, ou Mont d'Or, chaîne de montagnes, bornant au nord l'ancienne Mongolie. Livre 1er, chapitre 54. Suite des rois tartares et de leur sépulture sur la montagne d'Altaï. Première note, pour l'extrait suivant. Le premier roi des Tartares fut appelé Chinchis, le second Gui, le troisième Barchim, le quatrième Alo, le cinquième Mangu. La note. Mangurakban, petit-fils de Chinchis Khan, est le roi à la cour duquel alla Rubriquis. Il mourut en 1239. Livre 1er, chapitre 55. Des mœurs et coutumes les plus générales des Tartares. Première note, pour l'extrait suivant. Ils ont des cabanes faites comme des tentes et couvertes de feutres. La note. Marco Polo confirme ici tout ce que dit Rubriquis des mœurs pastorales des Tartares. Livre 1er, chapitre 57. Du manger des Tartares. Première note pour le stress suivant. Ils boivent le lait des cavales, qu'ils préparent de telle manière qu'on le prendrait pour du vin blanc et qui n'est pas une boisson trop mauvaise. Ils l'appellent Twinis. La note. Le Koumis, dont l'usage est encore général parmi toutes les peuplades tartares. Voir Rubricus, chapitre 6. Livre 1er, chapitre 59. De la valeur et de l'industrie des Tartares. Première note pour l'extrait suivant. Mais lorsqu'ils veulent faire une prompte marche, ils prennent leur lait, dont ils font une espèce de pâte, quand il est coagulé et qui leur sert de boire et de manger. La note. Faut-il voir ici, comme le suppose le savant commentateur qui nous sert de guide habituel, un procédé de condensation du lait analogue à celui qui est en usage aujourd'hui, mais qu'on croirait à tort, par conséquent, d'invention nouvelle? Ou bien, s'agit-il tout bonnement du lait transformé en fromage? Nous ne trancherons pas la question. Livre 1er, chapitre 61. Des campagnes de Bargou et des îles qui sont à l'extrémité du septentrion. Première note, pour l'extrait suivant. On vient aux campagnes de Bargou. La note. Dans les environs du lac Baïkal. P. Livre 1er, chapitre 62. Puis des Rijimouls et de la ville de Singoui. Première note. Pour l'extrait suivant, on vient à la province de Kathé. La note. La Chine proprement dite. Deuxième note. Pour l'extrait suivant, on trouve là des bœufs sauvages très beaux et grands comme des éléphants. La note. Le yak. Bos Gruniens. Troisième note. Pour l'extrait suivant, il y a en ce pays-là un certain bel animal de la grandeur d'une gazelle, ayant le poil épais comme le cerf et les pieds de même. Il n'a que 4 dents, 2 en haut et 2 en bas, qui sont longues de 3 travers de doigts en dessous de ses lèvres. La note. Le chevrotin à musc, Muscus moschiferus. Livre 1er, chapitre 63. De la province d'Irigaya. Première note. Pour l'extrait suivant, on trouve dans la ville de Kalassia des draps qu'on appelle camelots qui sont faits de laine blanche et de poils de chameau. La note. D'où le nom qu'on donne à ces tissus. Livre 1er, chapitre 64. De la province de Tudush, de Gog et Magog et de la ville de Sianiganian. Première note, pour l'extrait suivant. Le chemin rendu à la province de Tudush. La note. Les commentateurs s'accordent assez peu sur la situation réelle de ces dernières provinces et des villes dont il va être question. Livre 1er, chapitre 65. De la ville de Siandou et de son bois et de quelques fêtes des Tartares. Première note, pour l'extrait suivant. Le grand khan Kubilai y fit construire un superbe palais de marbre enrichi d'or. La note. Cette résidence d'été était située dans la Mongolie, au nord de la province de Pechili et de la Grande Muraille. P. Deuxième note, pour l'extrait suivant. N'y a-t-il pas d'ailleurs en nos pays ces savants nécromanciens qui vous diront que ces choses sont très faisables? La note. M. Potier, s'appuyant sur cette dernière phrase, d'ailleurs caractéristique, se livre à de longues considérations sur les singulières assertions du voyageur. Nous rirons, dit-il, de ces peuples qui s'en laissent imposer par de prétendus magiciens, comme si chez nous, alors que nous nous croyons doués d'une grande sagesse philosophique, l'on ne croyait pas à l'action occulte des esprits frappeurs, aux tables tournantes et autres effets merveilleux. Cela est soutenu dans des salons du grand monde où l'on fait se produire toutes sortes de phénomènes surnaturels, par une vertu secrète aussi, du moins en apparence, et des milliers de personnes qui en ont été témoins attestent aussi des faits lesquels ne sont pas pour cela plus réels. Livre 1er, chapitre 66. De quelques moines idolâtres. Première note. Il s'agit ici des bonzeries de toute espèce qui pullulèrent toujours dans le vaste empire asiatique dont elles sont des plaies en quelque sorte normales, car l'innombrable population qu'elles contiennent non seulement est improductive, mais vit des superstitions qu'elle entretient dans le peuple et attire à elle des richesses considérables. À plusieurs reprises, les empereurs ont essayé de détruire les bonzeries, mais sans jamais y réussir.